Chapitre 18e, par la pluie. La cloche annonçant le dîner sonna pour la seconde fois, 5 minutes après le départ de l'idiot, et M. John Mellish sortit sur la pelouse pour chercher sa femme. Il marchait sur l'herbe en sifflant et fouettant les roses avec son mouchoir d'une façon tout à fait joyeuse. Il avait complètement oublié l'angoisse de cette malheureuse matinée qui avait suivi la réception de la lettre de M. Pastern. Il avait tout oublié, sinon que son Aurora était la plus tendre et la plus dévouée des femmes, et qu'il avait en elle une confiance qu'entretenait l'honnêteté de son cœur. Pourquoi douterais-je d'une créature si noble, si impétueuse, pensait-il. Chacun de ses sentiments, chacune de ses pensées ne s'écrit-elle pas elle-même, sur son charmant front et sur son expressif visage en caractère, que le plus inintelligent des hommes pourrait lire. Quand elle est contente de moi, quel brillant sourire s'allume dans ses yeux noirs. Si je la contrarie, ce que je fais, pauvre idiot que je suis, 100 fois par jour, comme les 2 petits arcs noirs se contractent au-dessus de ce nez impertinent et charmant, tandis que les lèvres roses expriment la défiance et le dédain. Faut-il la soupçonner parce qu'elle me cache un secret et qu'elle me dit franchement qu'il faut renoncer à le jamais connaître, tandis qu'une femme rusée essaierait de me tranquilliser à l'aide d'un ignoble mensonge inventé pour me tromper? Que Dieu la garde. Jamais plus un soupçon sur elle n'obscurcira ma vie, quoi qu'il advienne. Il était facile à M. Mellish de faire mentalement ce serment, car il croyait fermement que l'orage était passé et que le calme était rétabli pour toujours. « Cher Loli, dit-il en enlaçant de son bras la taille de sa femme, je vous croyais perdue. » Elle le regarda avec un sourire plein de tristesse. « Cela vous chagrinerait-il beaucoup, John, si vous me perdiez réellement ?» Il tressaillit comme s'il venait de recevoir un coup et consulta avec inquiétude son visage extrêmement pâle. « Si cela me chagrinerait, Loli ? » répéta-t-il. « Pas longtemps, car ceux qui assisteraient à vos funérailles viendraient bientôt aux miennes. Mais, ma chère enfant, qui peut vous avoir donné l'idée de me faire une pareille question ? Êtes-vous malade, très chère ? Depuis quelques jours, vous êtes pâle et semblez fatigué, et je n'ai pensé à rien. Quel misérable je fais ! Non, non, John, dit-elle. Ce n'est pas là ce que je veux dire. Je sais que vous éprouveriez un gros chagrin si je mourais. Mais supposez que quelque chose vienne brusquement à nous séparer pour toujours. Quelque chose qui me force à quitter cette maison pour n'y plus jamais revenir. Eh bien, alors ? Alors, Loli, répondit gravement John Mellish, je préférais voir votre cercueil placé dans la niche vide qui voisine de celle où repose ma mère, sous la voûte, là-bas. Il étendait le bras dans la direction de l'église paroissiale qui n'était pas éloigné des grilles du parc. Que me séparer de vous de cette manière? J'aimerais mieux vous savoir morte et heureuse que d'ignorer quel serait votre sort. Oh, ma chère enfant, pourquoi me parlez-vous de ces choses? Je ne pourrais vivre loin de vous, je ne le pourrais pas. J'aimerais mieux vous prendre dans mes bras et me précipiter avec vous dans l'étang du bois. J'aimerais mieux vous percer le cœur d'une balle et vous voir étendue morte à mes pieds. John, John, mon bon et bien-aimé John, dit-elle. Son beau visage s'illuminant d'un éclat nouveau, semblable à ces rayonnements du soleil qui percent tout à coup la nuit épaisse. « Pas un mot de plus, cher. Nous ne nous quitterons jamais. Pourquoi nous quitterions-nous? Il n'est guère de choses en ce monde que l'argent ne puisse procurer. Eh bien, il nous procurera le bonheur. Nous ne nous quitterons jamais, jamais, mon mari adoré. » Elle partit d'un joyeux éclat de rire en épiant son visage inquiet et effaré. « Oh, mon bon John, comme vous avez l'air effrayé, dit-elle. Ne savez-vous pas encore que j'aime à vous tourmenter de temps en temps de ces sortes de questions, tout simplement pour voir vos gros yeux bleus s'ouvrir dans toute leur grandeur? Rentrons, cher. Mrs. Powell va nous foudroyer de ses regards en nous voyant rentrer, et va faire sa réplique de convention à nos excuses, à l'effet de nous apprendre qu'il lui est indifférent d'attendre autant qu'il nous plaît le dîner, et qu'elle préférait tout autant ne pas dîner du tout. N'est-ce pas une chose étrange, John, que la haine de cette femme pour moi? Sa haine, cher, quand vous êtes si bonne pour elle. Mais c'est parce que je suis bonne pour elle qu'elle me hait, John. Si je lui donnais mon collier de diamants, elle me haïrait parce que je l'aurais à donner. Elle nous hait parce que nous sommes riches, jeunes et beaux, dit Aurora en riant, juste le contraire de sa pâle et peu avenante personne. Il était étrange qu'en ce moment Aurora sembla retrouver sa gaieté et son humeur charmante, et redevenir ce qu'elle avait été avant la lettre de M. Pastern. Quelque sombres qu'eussent été les nuages qui avaient plané sur sa tête depuis le jour où cette simple lettre avait produit un si terrible effet. ces nuages menaçants s'étaient dissipés tout à coup. Mrs. Walter Powell eut bien remarqué ce changement. Les yeux de l'amour, si pénétrants qu'ils puissent être, ne sont rien auprès des yeux de la haine. Cela ne se trompe jamais. Aurora était sortie du salon, morne et découragée pour aller respirer sur la pelouse. Mrs. Powell, assise dans l'embrasure d'une des fenêtres, avait épié tous ses mouvements et l'avait vue à distance parler à quelqu'un de son poste d'observation. Il avait été impossible de distinguer l'idiot. Et cette même Aurora rentrait une toute autre créature. Il y avait un air de résolution sur cette bouche magnifique, que la critique féminine trouvait trop grande. Air qui n'était pas étranger à ses lèvres roses. Et un éclat dans les yeux qui sûrement avait une signification. Si je pouvais seulement trouver la clé de cette signification cachée, pensait Mrs. Powell. Depuis la maladie d'Aurora, la pauvre femme n'avait pas cessé de chercher cette clé. Elle cherchait à tâtons dans la profonde obscurité qui défiait sa très grande pénétration. Qu'était donc ce groom? Qu'était-il pour qu'Aurora lui écrivît, comme elle lui avait évidemment écrit? Pourquoi n'avait-il laissé paraître aucune surprise? Et quelle cause pouvait-il avoir pour qu'il témoignât de l'étonnement, si ce dont il s'agissait n'avait rapport qu'à ses devoirs d'entraîneur? Cette obscurité confuse était plus impénétrable que la nuit la plus noire. Et Mrs. Powell fut bien près de renoncer à jamais à trouver la clé de ce mystère. Et maintenant, une complication nouvelle s'était formée du brusque changement d'humeur d'Aurora. John Mellish était enchanté de ce changement. Il parlait et riait au point que les verres placés près de lui vibraient à la manifestation de cette joie bruyante. Il but tant de l'excellent vin de Moselle que le sommelier Jarvis, qui avait grisonné au service du vieux Squire et avait versé au jeune Mellish son premier verre de champagne, finit par refuser de lui verser davantage de ce breuvage, lui offrant à la place un vin du Rhin extrêmement coûteux, dont le nom, formé de 14 syllabes, était impossible à prononcer et auquel John essayait de se faire sans pouvoir y réussir. « Nous remplirons la maison d'invités pour la saison des chasses, ma chère Lolly, » dit M. Mellish. « S'ils viennent le 1er septembre, ils seront tous confortablement installés pour le Saint-Léger. Il va sans dire que nous aurons le vieux papa, qui trottera sur son poney blanc comme le meilleur des hommes et des banquets de la chrétienté. Le capitaine Bulstrode et Mrs. Bulstrode viendront aussi, et nous verrons la figure que fait notre petite Lucie, et si le grave Talbot là-bas dans le silence de la chambre conjugale. Puis il y a Hunter et un tas d'autres. Il faudra que vous me dressiez une liste de toutes les personnes un peu aimables qu'il vous plairait d'avoir. Et nous passerons un fameux automne, Lolly, n'est-ce pas ? Je l'espère, John, répondit Mrs. Mellish après un moment de silence et une répétition de la question de son mari. Elle n'avait pas écouté avec beaucoup d'attention les projets de John Mellish, et elle le surprit fortement en lui adressant une question tout à fait étrangère au sujet dont il venait de l'entretenir. « Combien de temps les navires les plus rapides mettent-ils pour aller en Australie, John ? » demanda-t-elle tranquillement. M. Mellish demeura le verre en main et le bras levé pour considérer sa femme après la question qu'elle venait de lui faire. « Combien de temps les vaisseaux les plus rapides mettent-ils pour aller en Australie ? » répéta-t-il. « Bon Dieu, Lolly, comment le saurais-je ? 3 semaines, 1 mois ? Non, je veux dire 3 mois. Mais, miséricorde, Aurora, pourquoi voulez-vous savoir cela ? » La durée moyenne du voyage est d'environ 3 mois, je suppose. Mais quelques paquebots fins voiliers le font en 70 et même 68 jours, fit observer Mrs. Powell, fixant avec insistance sur le visage distrait d'Aurora ses yeux que protégeaient des cils blancs. « Mais pourquoi, bonté divine, voulez-vous savoir cela, Lolly ? » répéta John Mellish. « Vous n'avez pas besoin d'aller en Australie, et vous ne connaissez personne qui soit sur le point de s'y rendre. » Peut-être Miss Mellish prend-elle intérêt au mouvement de l'émigration des femmes, suggéra Mrs. Powell. C'est une bien excellente œuvre. Aurora ne répondit ni directement ni indirectement à cette question. On avait ôté la nappe, car les usages modernes n'avaient rien changé à l'économie conservatrice de Mellish Park, et Mrs. Mellish demeura, avec une grappe de cerises blanches à la main, regardant sur la cajou luisant la réflexion de son visage. « Lolly, » s'écria John Mellish, après avoir considéré sa femme pendant quelques minutes, « vous êtes aussi grave qu'un juge, à quoi pouvez-vous penser ?» Elle le regarda avec un sourire charmant et se leva pour sortir de la salle à manger. « Je vous le dirai un de ces jours, John, » dit-elle. « Venez-vous avec nous ou allez-vous fumer sur la pelouse ?»« Si vous voulez venir avec moi, cher, répondit-il en lui rendant son sourire accompagné d'un regard qui portait en lui la preuve d'une affection inaltérable. « J'irai fumer un cigare dehors si vous voulez venir avec moi, Loli. »« Oh, mon gros campagnard !» dit Mrs. Mellish en riant. « Je crois vraiment que vous voudriez me voir fumer un de vos manies, ne fût-ce que pour vous tenir compagnie. »« Non, très cher. Je ne voudrais jamais vous voir faire une chose qui ne serait pas convenable, qui serait incompatible avec les manières de la plus noble lady et les devoirs de la femme la plus respectable de l'Angleterre, » dit Mrs. Mellish avec gravité. « Si j'aime à vous voir galoper dans la campagne, une plume rouge à votre chapeau, c'est parce que je pense que le bon vieux sport des gentilshommes anglais doit être partagé par leurs femmes, plutôt que par des gens que je ne voudrais pas nommer. Et parce qu'il y a chance que la vue de votre chapeau espagnol avec sa plume écarlate, au rendez-vous de chasse, puisse, d'une manière ou d'une autre, tenir éloignée du champ Miss Wilhelmina de Lancy, née Scroggins et baptisée Sarah. Je pense que nos femmes et nos mères anglaises pourraient combattre et remporter la victoire pour elles-mêmes et leurs filles, si elles se montraient un peu plus braves à défendre leur position, si elles faisaient preuve d'une aussi tendre indulgence pour les fautes des jeunes nobles les plus enviables, et si, lorsqu'elles estiment les qualités d'un homme à marier, elles ne se laissaient pas guider exclusivement par les chiffres de son crédit chez son banquier. C'est un triste monde, Loli, mais John Mellish, de Mellish Park, n'a pas été créé pour le corriger. M. Mellish se tenait debout sur le seuil d'une porte vitrée qui ouvrait sur un perron conduisant à la pelouse, et c'est là qu'il débita cette homélie dont la gravité était tout à fait en dehors de la teneur ordinaire de ses discours. Il tenait à la main un cigare qu'il allait allumer quand Aurora l'arrêta. « Cher John, mon cher John, vous qui êtes si peu apte aux affaires, avez-vous oublié que le pauvre Langlais est pressé de vous voir pour vous rendre les anciens comptes avant que le nouvel entraîneur n'entre en fonction? Il est venu une demi-heure avant le dîner et a demandé que vous voulussiez bien le voir ce soir. » M. Mellish haussa les épaules. « L'Anglais est le plus honnête homme qu'il y ait sur terre, » dit-il. « Je n'ai pas besoin de voir ses comptes. Je sais ce que l'écurie me coûte par année en moyenne et cela me suffit. Mais pour sa satisfaction particulière, cher. »« Bien, bien, Loli, ce sera pour demain matin alors. »« Non, cher, j'aurai besoin de lui pour m'accompagner demain matin. »« Demain soir. »« Vous avez donné rendez-vous au capitaine à la citadelle, » dit Aurora en riant. « Ce qui veut dire que vous dînez à Holmbush avec le colonel Pevensey. » « Allons, cher ami, j'insiste pour qu'une fois dans votre vie, vous vous occupiez sérieusement d'affaires. Venez dans votre sanctuaire et nous enverrons chercher l'Anglais et ses comptes. » Le joli tyran passa son bras dans le sien et l'emmena de l'autre côté de la maison, dans cette même pièce où elle s'était évanouie à la lecture de la lettre de M. Pastern. En fermant la fenêtre, elle jeta dans l'obscurité un regard plein de mélancolie. L'orage n'était pas encore déclaré, mais les sinistres nuages passaient à une faible hauteur, et l'atmosphère brûlante était lourde, et l'on ne respirait point. Mrs. Mellish étala merveilleusement son aptitude aux affaires, et paraissait prendre un intérêt énorme aux mémoires des marchands de grains, des vétérinaires, des celliers, des harnacheurs, avec lesquels le vieux piqueur embarrassait furieusement son maître. Mais, 10 minutes environ après que John eut entrepris ce pénible labeur, Aurora déposa le crayon avec lequel elle venait de tracer un calcul, par un procédé entièrement original, bien fait pour révolutionner Cocker et réduire à néant cette règle banale qui prouve que 2 et 2 font 4, et s'échappa doucement, en faisant une vague promesse de revenir bientôt, abandonnant M. Mellish à ses calculs et à son désespoir. Mrs. Walter Powell se trouvait au salon et lisait, quand Aurora rentra la tête et les épaules enveloppées d'un grand châle de dentelle noire. Mrs. Mellish avait évidemment compté ne trouver personne au salon, car elle eut un mouvement de surprise et se retira à la vue de la veuve, qui se tenait contre une fenêtre éloignée, profitant des dernières lueurs du jour. Aurora s'arrêta un moment à quelques pas de la porte, puis elle traversa résolument l'appartement en se dirigeant vers la fenêtre la plus éloignée de celle devant laquelle Mrs. Powell était assise. « Est-ce que vous allez au jardin par cette vilaine soirée, Mrs. Mellish ?» dit la veuve. Aurora s'arrêta mi-chemin entre la porte et la fenêtre pour lui répondre. « Oui, » dit-elle sèchement. « Permettez-moi de vous donner le conseil de ne pas trop vous éloigner. Nous allons avoir de l'orage. » « Je ne le pense pas. » « Comment, ma chère Mrs. Mellish, n'entendez-vous pas le grondement lointain du tonnerre ?»« Je courais la chance d'être surprise par lui. Le temps était menaçant pendant toute l'après-midi. La maison m'est insupportable ce soir. » « Mais assurément, vous ne vous éloignerez pas. » Mrs. Mellish ne parut pas entendre cette observation. Elle se hâta de quitter le salon pour se diriger sur la pelouse, puis, au nord du parc, vers la grille en fer à travers laquelle elle avait vu l'idiot. De lourds nuages paraissaient se concentrer au-dessus des arbres du parc, recouvrant pour ainsi dire la terre d'un toit de fer chauffé, comme ces chambres de torture en métal, si ingénieusement combinées, dont nous lisons la description dans les romans. Mais la pluie n'était pas venue encore. « Qui peut la conduire au jardin par une soirée comme celle-ci ?» pensait Mrs. Powell, en voyant la robe blanche disparaître dans l'obscurité. « Il va faire nuit noire dans 10 minutes, il n'est pas ordinairement très porté à sortir seul la nuit. » La veuve de l'enseigne déposa le livre qui paraissait l'intéresser si vivement et gagna sa chambre où elle choisit, parmi sa nombreuse garde-robe, un très confortable manteau gris. Elle s'enveloppa de ce manteau, descendit rapidement et sans bruit l'escalier, et gagna le jardin par une petite porte qui se trouvait près de la chambre occupée par John Mellish. Les rideaux du petit sanctuaire n'étaient pas tirés, et Mrs. Powell put voir le maître de la maison penché sur sa table à côté du vieux piqueur. Il faisait alors tout à fait nuit, mais cependant l'on pouvait encore apercevoir la robe blanche d'Aurora de l'autre côté de la pelouse. Mrs. Mellish était debout auprès de la petite grille de fer quand Mrs. Powell sortit de la maison. Le point blanc demeura immobile pendant quelque temps, et l'indiscrète veuve, qui se tenait sous l'ombre d'une allée, commençait à croire qu'elle avait perdu ses peines et qu'après tout la sortie d'Aurora n'avait peut-être pas de but spécial. Mrs. Walter Powell éprouvait un cruel désappointement, toujours à l'affût d'un indice qui pût lui révéler le secret dont elle avait découvert l'existence. Elle s'était bercée de l'espoir que cette sortie si peu raisonnable pourrait être un des anneaux de la chaîne mystérieuse qu'elle tenait tant à réunir. Mais il paraissait qu'elle s'était trompée. Cette sortie de nuit, par ce temps menaçant, était tout simplement un caprice d'Aurora, une fantaisie de femme qui ne signifiait absolument rien. Mais non, la masse blanche n'était plus immobile, et dans le silence de la nuit brûlante, Mrs. Powell entendit le grincement lointain d'une grille qui tourna lentement sur ses gonds et comme guidée par une main prudente. Mrs. Mellish avait ouvert la grille et avait passé de l'autre côté de la barrière invisible qui séparait le jardin du parc. Un moment après, elle avait disparu sous les arbres qui formaient une ceinture autour de la pelouse. Mrs. Powell s'arrêta, presque terrifiée par cette découverte inespérée. Au nom de tout ce qui était mystérieux et impénétrable, que pouvait avoir à faire Mrs. Mellish entre 9 et 10 heures du soir de ce côté du parc, de ce côté nord, mal entretenu, abandonné et fréquenté seulement depuis un grand nombre d'années par les gardes du château? Le sang monta bouillant à la face de Mrs. Powell, quand elle se souvint tout à coup que la loge abandonnée qui se trouvait de ce côté venait d'être donnée pour logement au nouvel entraîneur. Ce souvenir n'était rien, mais si l'on ajoutait à cela la lettre mystérieuse signée d'un A, c'était plus qu'il n'en fallait pour faire couler une joie frémissante, horrible et sauvage, dans les veines glacées de la gouvernante. Qu'allait-elle faire? Suivre Mrs. Mellish et découvrir où elle allait? Jusqu'à quel point le succès de cette tentative était-il certain? Elle revint sur ses pas et regarda encore une fois à travers la fenêtre du cabinet de M. Mellish. Il était toujours penché sur ses papiers, toujours dans le même embarras. Il semblait qu'il y eût peu de chance qu'il eût terminé bientôt. La nuit sans étoiles et ses vêtements noirs mettaient la veuve à l'abri de toute observation. « Si j'étais derrière elle, elle ne me verrait pas, » pensa-t-elle. Elle traversa la pelouse et passa dans le parc. Les ronces et les longues herbes emmêlées s'attachaient à sa robe. Elle s'arrêta un moment pour regarder autour d'elle. Nulle part elle ne voyait la forme blanche d'Aurora parmi les allées touffues qui s'étendaient en désordre devant elle. « Je ne chercherai pas à savoir le sentier qu'elle a suivi, » pensa Mrs. Powell, « je sais où la trouver. » Elle s'avança par le sentier étroit conduisant à la loge. Elle ne connaissait pas assez intimement les lieux pour prendre le chemin que l'idiot avait suivi dans l'herbe quelques heures plus tôt, et elle mit quelque temps à franchir la distance qui sépare la grille de la loge. Les fenêtres de la façade de l'habitation rustique faisaient face à la route et à la grille abandonnée. Le derrière de la maison, au contraire, faisait face au sentier qu'avait pris Mrs. Powell, et les deux petites fenêtres percées de ce côté du mur étaient noyées dans l'obscurité. La veuve de l'enseigne passa doucement de l'autre côté, regarda prudemment autour d'elle et écouta. On n'entendait que le bruissement des feuilles, tremblant même dans cette atmosphère si calme, comme par l'effet d'une prescience intime de l'orage qui approchait. Elle s'avança lentement et avec précaution de la petite fenêtre rustique et plongea son regard à l'intérieur. Elle ne s'était pas trompée en disant qu'elle savait où trouver Aurora. Mrs. Mellish était debout, le dos tourné vers la fenêtre. Immédiatement en face d'elle, James Conyers, l'entraîneur, était nonchalamment assis et fumait sa pipe. La petite table les séparait. La seule chandelle qui éclairait la chambre se trouvait tout près du coude de M. Conyers. Elle lui avait évidemment servi à allumer sa pipe. Aurora parlait. L'oreille la plus fine eût pu entendre sa voix, mais non pas distinguer ses paroles. On voyait que l'entraîneur écoutait attentivement. Il écoutait attentivement, mais un froncement de ses beaux sourcils plissait son front. Il était évident qu'il n'était pas satisfait du tour de la conversation. Quand Aurora eut cessé de parler, il leva les yeux, haussa les épaules et ôta sa pipe de sa bouche. Mrs. Powell, le visage collé contre le carreau, ne le quittait pas des yeux. Il indiqua d'un geste indifférent une chaise vide placée près d'Aurora. Mais celle-ci secoua la tête avec mépris et se tourna brusquement du côté de la fenêtre. Ce mouvement avait été si rapide que Mrs. Powell avait à peine eu le temps de se rejeter en arrière, qu'Aurora avait fait jouer le fermoir de la fenêtre et l'avait ouverte toute grande. « Je ne puis supporter cette chaleur étouffante, » s'écria-t-elle d'un ton d'impatience. « J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Il est inutile que j'attende votre réponse. »« Vous ne me donnez guère le temps de réfléchir, » dit-il avec un calme impudent qui contrastait étrangement avec l'emportement et la véhémence d'Aurora. « Quel genre de réponse voulez-vous ? Oui ou non ? Rien de plus ? Non, rien de plus. Vous savez mes conditions. Elles sont toutes écrites ici. » ajouta-t-elle en posant la main sur un papier déployé sur la table. « Elles sont écrites assez clairement pour qu'un enfant les comprenne. Voulez-vous les accepter, oui ou non ? Cela dépend des circonstances, » répondait-il en remplissant sa pipe et regardant avec admiration l'ongle de son petit doigt en même temps qu'il pressait le tabac dans le fourneau. « De quelles circonstances ? Des compensations que vous offrez, ma chère Mrs. Mellish. Vous voulez dire du prix ? C'est une vilaine expression, » dit-il en riant. Mais je suppose que nous entendons la même chose. Il faudra que la compensation qui me fera faire tout cela soit bien belle. Il montrait le papier écrit. Et il faut qu'elle ait la forme d'espèces sonnantes. Combien ce sera-t-il? C'est à vous de le dire. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Refusez ce soir et je télégraphie à mon père demain matin pour lui dire qu'il change son testament. Supposons que le vieux gentleman soit enlevé dans l'intervalle et qu'il laisse la jolie feuille de parchemin telle qu'elle est. J'entends dire qu'il est faible et vieux. Une semblable probabilité mérite bien qu'on la compte pour quelque chose. J'ai souvent risqué mon argent sur des chances qui ne valaient pas celles-ci jusqu'à présent. » Elle se tourna vers lui avec un visage dont l'expression était tellement assombrie que les honteuses et impertinentes paroles expirèrent sur ses lèvres et il demeura bouche béante, les yeux attachés sur elle. « Diable ! » fit-il. « Vous avez toujours cette énergie diabolique d'autrefois. » Je ne sais trop si ce n'est pas une offre acceptable, après tout. Donnez-moi 2000 livres et je les prends. 2000 livres. J'aurais dû dire 20, mais je n'ai jamais su me montrer exigeant. Mrs. Powell, accroupie sous la fenêtre ouverte, avait entendu chaque mot de ce court dialogue, mais en ce moment, oubliant toute précaution, dans son empressement de tout entendre, elle avait levé la tête presque au niveau de l'entablement de la fenêtre. Au même instant, elle recula brusquement, tremblante de terreur. Elle venait de sentir le souffle tiède d'une haleine sur sa joue et sur sa robe le contact d'un vêtement d'homme. Elle n'était pas seule à écouter. Le second espion était Stephen Hargraves, l'idiot. « Chut !» fit-il, en saisissant le poignet de Mrs. Powell et la maintenant dans sa position accroupie par la force musculaire de sa main calleuse. « Ce n'est que moi, Steve l'idiot, vous savez bien. »« Le garçon d'écurie, quel ?» il accentua l'huile avec tant d'impétuosité qu'il faillit rompre brusquement le grand calme de la nuit. Qu'elle a cravaché. Je vous connais. Je sais que vous êtes ici pour écouter. Il m'envoya à Doncastre lui chercher ceci. Et il montrait une bouteille qu'il portait sous son bras. Il a cru qu'il me faudrait 4 ou 5 heures pour aller revenir. Mais j'ai couru tout le temps car je me doutais bien qu'il y avait quelque chose en l'air. Il essuya sa face humide de sueur avec les bouts de sa méchante cravate. Sa respiration était haletante et Mrs. Powell pouvait entendre les violents battements de son cœur tant le silence était grand autour d'eux. « Je ne vous trahirai pas, » dit-il, « et vous ne me trahirez pas non plus. J'ai encore sur mon dos les marques de la cravache avec laquelle elle m'a frappé ce jour-là. Je les regarde de temps en temps. Elles me raffermissent le souvenir. C'est une belle madame. Une grande dame, oh oui, sûrement. Mais cela n'empêche pas qu'elle vient voir le valet de son mari en cachette, et la nuit. Il se peut que le jour ne soit pas éloigné où elle sera à son tour chassée de ces lieux avec défense d'y reparaître. Fasse le Seigneur miséricordieux que je vive pour voir cela. Chut. Il n'avait pas lâché le bras de la veuve. Une pression de sa main de fer lui imposa silence et la força de baisser la tête. Toutes les forces de l'homme semblaient passer dans ses yeux avides. « Écoutez, » dit-il à voix basse, « écoutez. » Chacune de ces paroles la rapproche plus sûrement de sa perte. L'entraîneur fut le premier à reprendre la parole. Il avait tranquillement fini de fumer sa pipe. Il en vida les cendres sur la table avant de renouer le fil de la conversation au point où il l'avait laissé. « 2000 livres, » reprit-il, « voilà ce que je veux. Et je crois qu'on peut me les donner sans hésiter. 2000 livres en billets sur la Banque d'Angleterre, des billets de 5 et de 10. Des chiffres plus élevés seraient un embarras. Ou bien, si vous voulez, en argent monnayé du royaume, vous comprenez. 2000 livres comptant, c'est mon dernier mot. Ou je quitte cette maison demain matin avec tout ce qui m'appartient. » De cette manière, vous n'auriez rien, dit Mrs. John Mellish avec calme. Vraiment. Et que gagna le mort de Venise à étouffer sa femme, je ne gagnerais rien, mais je serais vengé d'un chat-tigre, dont les griffes ont laissé sur moi une marque que je porterai jusqu'à la tombe. Il souleva ses cheveux et montra du doigt une cicatrice sur son front, une marque blanche, à peine visible à la lueur de la chandelle. « Je suis une nature douce, facile à vivre, Mrs. John Mellish, » reprit-il, « mais je n'oublie pas. Ce sera 2000 livres ou une guerre à mort. » Mrs. Powell attendait, haletante, la réponse d'Aurora. Mais avant que cette réponse ne vînt, une large goutte d'eau tomba sous le front légèrement dégarni de la veuve. Le capuchon de son manteau était retombé en arrière, laissant sa tête à découvert. Cette unique goutte d'eau annonçait le commencement de l'orage. Un roulement de tonnerre, lent et étouffé par la distance, annonça que les éléments entraient en lutte, et un éclair blafard vint éclairer les visages également blafards des deux écouteurs. « Lâchez-moi, » dit tout bas Mrs. Powell, « lâchez-moi, il faut que je sois rentré avant la pluie. » L'idiot laissa libre la main qu'il avait tenue tout le temps sans en avoir conscience, tant son attention était absorbée par ce qui se passait dans le cottage. Mrs. Powell se releva et s'éloigna sans bruit de la maisonnette. Elle se rappelait qu'il était de toute nécessité qu'elle rentrât avant Aurora et qu'elle évitât l'averse. Ses vêtements mouillés l'eussent trahie si elle n'eût réussi à éviter l'orage prêt à fondre. Elle était d'une nature chétive, maigre, qui n'avait en chair ou en graisse rien de superflu, et elle reprit en courant le chemin par lequel elle était venue à la poursuite d'Aurora. Les lourdes gouttes de pluie tombaient à de longs intervalles sur les feuilles. Un second, puis un troisième coup de tonnerre firent trembler la terre comme le grondement sinistre d'un animal affamé qui s'approche peu à peu de sa proie. De pâles éclairs bleuâtres éclairèrent les échappées du bois, mais l'orage n'était pas encore déclaré dans toute sa furie. Les gouttes de pluie tombaient moins rares quand Mrs. Powell sortit du couvert par la petite grille. Plus fréquentes encore lorsqu'elle atteignit la porte, qu'elle avait laissée entr'ouverte une heure plus tôt, et elle s'assit, haletante, sur un banc placé à l'intérieur, dans le but de se remettre un peu avant d'aller plus loin. Elle était encore sur ce banc quand un quatrième coup de tonnerre fit trembler la voûte sous laquelle elle se trouvait, et la pluie tomba de la nuit opaque avec une telle impétuosité qu'il semblait qu'une énorme trappe avait été pratiquée dans le ciel, et qu'un océan céleste déversait ses flots sur la terre. « Je crois que madame va se trouver joliment prise, » se dit Mrs. Powell. Elle jeta de côté son manteau et s'engagea dans un corridor conduisant au vestibule. Un domestique enfermait les portes. « Avez-vous fermé les fenêtres du salon, Wilson ?» demanda-t-elle. « Non, madame. Je crains bien que Mrs. Mellish ne soit exposée à la pluie. Jarvis s'apprête à aller la chercher avec une lanterne et un parapluie. « Jarvis peut rester où il est. » Mrs. Mellish est rentrée depuis une demi-heure. Vous pouvez fermer toutes les fenêtres et mettre les verrous pour la nuit. Oui, madame. À propos, quelle heure est-il, Wilson? Ma montre retarde. 10h15, madame, à la pendule de la salle à manger. Wilson ferma la porte du vestibule et l'assujettit avec une immense barre de fer, d'un mécanisme assez compliqué, et à laquelle était adaptée une sonnette pour prévenir le cas où des voleurs se seraient introduits dans la maison. Du vestibule, Wilson passa dans le salon où il ferma avec soin la longue rangée de fenêtres, du salon à l'office, de l'office à la salle à manger, où il ferma la porte vitrée ouvrant sur le jardin. Ceci terminé, toute communication entre la maison et le jardin était impossible. « Quoi qu'il arrive, il saura s'émener, » pensa Mrs. Powell en épiant les pas du valet pour voir s'il faisait ce qu'elle lui avait ordonné. Les domestiques du Mellish Park n'avaient pas une affection bien vive pour la gouvernante, et en rentrant à l'office, il fit part à ses camarades des exigences et de la sécheresse toujours croissante de la vieille, qui épiait leurs mouvements comme un vieux chat épisseux d'une souris. M. Wilson était de Londres, et il avait été importé tout récemment dans la maison. Quand la veuve sut tous les verrous consciencieusement tirés et les clés tournées dans les serrures, elle revint au salon et s'assit près d'une table éclairée pour s'occuper à quelque délicate tapisserie ou à tout autre ouvrage affectionné des vieilles filles, et qui devait être un pendant de la broderie de Pénélope, car elle semblait avancer la nuit et rétrograder le jour. Elle avait vivement lissé ses cheveux et remis de l'ordre dans ses ajustements, et il était d'une propreté aussi rigide que lorsqu'elle descendait déjeuner chaque matin dans toute la virginité de sa toilette matinale. Elle travaillait depuis environ 10 minutes quand John Mellish entra, sortant accablé mais triomphant de sa lutte avec de simples multiplications et soustractions. M. Mellish avait évidemment beaucoup souffert pendant l'action. Ses épais cheveux châtains étaient réunis en masse qui se tenaient droite sur sa tête, sa cravate était détachée et le col de sa chemise ouvert pour le bien-être de sa large encolure. Quand il entra dans le salon, il portait sur sa personne ces marques d'une lutte acharnée ainsi que bien d'autres que nous passons sous silence. « J'ai fini par battre en retraite, Mrs. Powell, » dit-il, en laissant tomber son grand corps sur un des canapés, non sans faire courir de grands risques au ressort du siège. « J'ai battu en retraite avant la chute du drapeau, car l'Anglais aurait voulu me garder jusqu'à minuit. Il m'a poursuivi jusqu'à la porte de ce salon avec 14 boisseaux d'avoine, qui sont portés sur le compte du grainetier et qui ne le sont pas sur le livre qu'il tient pour contrôler les comptes de ce digne négociant. Je lui demande pourquoi diable il ne les porte pas sur son livre tout de suite, pour en finir, au lieu de me tourmenter comme il le fait. À quoi bon tenir un livre si les comptes qu'il y fait ne sont pas les mêmes que celui de grainetier? Mais c'est fini, ajouta-t-il avec un soupir de soulagement. C'est fini, et tout ce que je puis dire, c'est que j'espère bien que le nouvel entraîneur n'est pas honnête. « Savez-vous quelque chose sur le compte du nouvel entraîneur, M. Mellish ?» demanda Mrs. Powell d'un ton parfaitement naturel, plutôt avec l'intention d'amuser son maître en causant avec lui que pour satisfaire une curiosité mondaine. « Oh, bien peu de choses, » répondit John avec indifférence. « Je n'ai même pas encore vu cet individu. Mais il m'a été recommandé par John Pastern, et je suis certain qu'il me conviendra. Et puis Aurora connaît cet homme. Il était autrefois au service de son père. Oh, vraiment ?» fait Mrs. Powell en appuyant avec intention sur ces deux mots insignifiants en eux-mêmes. « Oh, vraiment, Mrs. Mellish le connaît. Alors, bien entendu, c'est un homme digne de confiance. C'est un jeune homme d'une beauté remarquable. »« D'une beauté remarquable, vraiment ?» dit M. Mellish avec un rire indifférent. « Alors je suppose que toutes les filles vont tomber amoureuses de lui et négliger leur ouvrage pour ne faire que regarder par les fenêtres qui donnent sur les écuries. Et... » C'est ce qui arrive quand un homme a chez lui un aussi beau groom, n'est-ce pas? Susan et Sarah et les autres vont se mettre à nettoyer les carreaux et à pavoser leurs chapeaux de ruban, hein? Je n'en sais rien, monsieur Mellish, répondit la veuve, souriant niaisement par-dessus son ouvrage, comme si la question qu'ils agitaient était si hors de propos qu'il lui fut vraiment impossible de garder son sérieux. Mais mon expérience m'a jeté au milieu d'un grand nombre de familles, dit-elle avec beaucoup de vérité. Car elle avait occupé tant de place que ses ennemis en étaient arrivés à déclarer qu'elle ne pouvait rester plus de 12 mois dans une maison, par la raison que ses maîtres ne manquaient jamais, au bout de ce temps, d'avoir découvert son vrai caractère. « J'occupais des postes de confiance, » continua Mrs. Powell, « et je regrette de le dire. J'ai vu bien des misères domestiques surgir de l'emploi de serviteurs trop beaux, dont l'apparence et les manières sont supérieures à leur position. « M. Conyers n'est pas le genre d'homme que je voudrais voir dans une maison où je recharge de jeunes personnes. » Une sorte de faiblesse, un malaise se fit sentir tout à coup par tout le corps de M. Mellish, en même temps que Mrs. Powell s'exprimait ainsi. C'était une sensation tellement vague qu'il savait à peine si elle était physique ou morale, pas plus qu'il ne savait pourquoi ces paroles de la veuve lui étaient désagréables. Cette sensation fut aussi passagère qu'elle était vague. John promena ses honnêtes yeux bleus autour du salon. « Où est Aurora ? » demanda-t-il. « Couchée ?»« Je crois que Mrs. Mellish est allée se reposer, » répondit la gouvernante. « Alors je vais y aller également. La maison est triste comme un cachot quand elle n'est pas là, » observa M. Mellish avec une aimable candeur. « Voudrez-vous bien me préparer un grog avant que je parte, Mrs. Powell, car tous ces contes m'ont donné des frissons. » Il se leva pour sonner, mais il n'avait pas fait trois pas que des coups impatients, frappés du dehors au volet fermé, arrêtèrent ses pas. « Qui diable est là ? » s'écria-t-il en tournant la tête du côté d'où venait le bruit, mais sans chercher à répondre à l'appel parti du dehors. Mrs. Powell leva la tête pour écouter. Son visage n'exprimait qu'un naïf étonnement. Les coups furent répétés avec plus de force et d'impatience. « Ce ne peut être qu'un des domestiques, » se dit John. « Mais pourquoi ne fait-il pas le tour de la maison ?» Cependant, je ne puis laisser dehors le pauvre diable par un temps comme celui-ci, » ajouta-t-il avec douceur en ouvrant la fenêtre. Les fenêtres ouvraient en dedans, les jalousies en dehors. Il poussa les jalousies et regarda dans l'obscurité. La pluie tombait à torrents. Aurora, grelottant dans ses vêtements trempés, était debout à quelques pas de lui et la pluie tombait d'aplomb sur sa tête. Malgré l'obscurité, son mari la reconnut. « Ma chère enfant, » s'écria-t-il, « est-ce bien vous ? Vous dehors par un temps pareil et par une telle nuit ? Entrez, miséricorde, vous devez être trempée jusqu'aux os. » Elle entra. L'eau contenue dans la mousseline de sa robe inondait le tapis qu'elle foulait, et les plis de son châle de dentelle se collaient sur son visage. « Pourquoi avez-vous laissé fermer ces fenêtres ? » demanda-t-elle en s'adressant à Mrs. Powell, qui s'est élevée, et avait tout l'air d'une statue représentant à la fois l'inquiétude et la sympathie. « Vous saviez que j'étais au jardin ?»« Oui, mais j'ai cru que vous étiez rentrée, ma chère Mrs. Mellish, » dit la veuve, s'emparant avec empressement du châle d'Aurora qu'elle essayait de lui ôter, mais que Mrs. Mellish lui arracha vivement des mains. « Je vous ai vu sortir, c'est vrai, et je vous ai vu quitter la pelouse dans la direction de la grille du Nord, mais je vous croyais rentrée depuis quelque temps. » La couleur disparut des joues de John Mellish. « La grille du Nord. Venez-vous de la loge du Nord ?»« Je suis allé dans la direction de la grille du Nord, » répondit Aurora en appuyant avec ironie sur ces mots. « Les renseignements que vous donnez sont parfaitement exacts, Mrs. Powell. Cependant, j'ignorais que vous m'eussiez fait l'honneur d'épier mes actions. » M. Mellish ne paraissait pas avoir entendu ces dernières paroles. Il regardait alternativement sa femme et la gouvernante avec l'expression embarrassée d'un homme en qui vient de surgir un nouveau doute. C'était vraiment pénible à voir. « La loge du Nord, » répétait-il. « Qu'alliez-vous faire là, Aurora ? Voulez-vous que je reste ici dans mes vêtements trempés pendant que je vais vous le dire ?» demanda Mrs. Mellish, dont les grands yeux s'illuminaient d'indignation. « Si vous voulez une explication pour la satisfaction de Mrs. Powell, je puis la donner ici. » « Si c'est seulement pour la vôtre, je vous la donnerai aussi bien là-haut. » Elle s'avança vers la porte, traînant avec elle son châle mouillé. Mais sa démarche n'était pas moins majestueuse dans ses vêtements trempés. C'était Sémiramide et Cléopâtre sortis par un temps de pluie. Mais à la porte, elle s'arrêta, et s'adressant à son mari, elle lui dit « J'aurai besoin que vous me conduisiez à Londres demain, Monsieur Mellish. » Puis avec un mouvement superbe de sa tête magnifique et un éclair de ses yeux rayonnants qui semblait dire « Esclave, obéit et tremble. » Elle disparut, laissant M. Mellish la suivre, tremblant, étonné, abasourdi, la tête assaillie de doutes et d'inquiétudes terribles, qui, comme des créatures venimeuses, lui rongeaient sourdement le cœur.